nouvelle polyphonie corse, Lettera à Mama. C'est une lettre, en fait, de Stefano Luciani, prisonnier pendant la guerre de 14-18 à sa mère. Voilà. Pourquoi l'avoir pris pour indicatif? Parce que c'est très beau. Voilà, ce soir. Donc, vous disais-je, en aparté, avant l'émission, mais juste avant, eh bien, ce soir, nous aurons deux sujets, en fait. L'un sera celui du forum des associations d'Épinal, où j'étais au stand de l'UEV et aussi de Réseau d'Être, et vous verrez que là, j'ai quelques recueils de paroles assez intéressantes dans le public, parce que le Réseau d'Être essayait de sonder le moral du public. Il y avait aussi l'UEV, donc moi-même, qui faisait écrire, et puis il y avait la langue de travers à côté, qui faisait également écrire des témoignages. Ceci pour la transhumance 2, puisqu'il y a eu plusieurs... il y a eu deux transhumances au lendemain du premier confinement, c'est de l'histoire ancienne, mais il y avait donc des recueils de paroles, et puis là, on a estimé qu'il fallait une transhumance 2, un nouveau recueil de paroles, qui donnera peut-être, j'espère, un rendu théâtral, à un moment donné, au cours de l'année, parce que ça fait une bien, belle moisson, belle récolte. Voilà, écoutez, vous allez écouter ça dans quelques instants, et le reste de la soirée, ça se fera 20 minutes environ de... Non, un peu plus qu'à une demi-heure environ de paroles. Et après, eh bien, je vous ferai écouter toute une soirée, enfin tout le reste de la soirée, 2 minutes, 2h18, toute la séquence finale de Vive la Voix Verte à Bussan. Bon, pas tous les enregistrements, parce qu'il y en avait beaucoup, mais tout le long depuis le matin. D'ailleurs, il y a eu pas mal de couvertures médiatiques, dont Via Vosges, par exemple, qui a fait un petit reportage, etc., etc. Et bien sûr, Radio Gemozo, bien sûr, y était. Et donc, là, je vous en parlerai un peu plus dans quelques instants. Donc déjà, un petit peu de musique groupe sanguin. Un groupe sanguin qui m'a envoyé un de leurs disques. On va prendre Suzanne, c'est que 2 minutes, c'est plus court. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Bon, voilà. Bon, ça y est, c'est parti. C'est parti quand même. C'est autre chose. Et B. Berger, Laridé. C'est Hébé Ségar. Qui va te faire et votre tantôt, c'est bien ce de si peu beau de chêne de tes pins. Oh, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que Petit cabaret, pas les shows de bonbonce, de bande d'autoglavousse, nous éveillons. Au sègue, sègue, sègue, les cigares. Au sègue, sègue, sègue, pripédé. Au sègue, sègue, sègue, tu es veillé. Au sègue, sègue, sègue, dit tes gars. Je vous confonds devant chez nos chapounets, à briller d'eau, d'un fond de saillé. Pour les neuf hommes derrière, un béchaleillé, et pour battre l'eau d'un cantonné. Au sègue, sègue, sègue, les cigares. Au sègue, sègue, sègue, pripédé. Au sègue, sègue, sègue, tu es veillé. Au sègue, sègue, sègue, dit tes gars. Confort pour le moulin dans salle, un bédrasseau et votre pierre huon. Et pour le moquer de jeune de molle, un arbre est un jeune semi et grand. Au sègue, sègue, sègue, les cigares. Au sègue, sègue, sègue, pépélé. Au sègue, sègue, sègue, tu veillais. Au sègue, sègue, sègue, dit tes gars. Breton, c'est un groupe lorrain, groupe sanguin, voilà, et c'est une bonne reprise de, c'est une bonne reprise des Ménestrels de Gérardmer, ça nous rappelle un hommage à Jean Grossier qui nous a quittés l'année dernière, ainsi qu'à notre ami Grandemange, le père de Monique, son prénom, je vais le retrouver, et donc voilà, plusieurs Ménestrels qui nous ont quittés, et voilà, c'était Ebe Sagar, Ebo Bûcheron avec Tessie Blanche. Voilà, si, prie bien Dieu, aussi, si, au travail, si, Dieu te garde. Segue, Ebe Sagar, que aussi, si, beau Bûcheron. Beau sieur, en fait. C'est plutôt ça, voilà. Bon, mais bravo. Et voilà, on va aller aux entretiens, au forum. Alors, c'était au bord de la Moselle. C'était bien, il y avait beaucoup de monde. Cette année, le forum des associations a été regroupé, à la fois le sport, le culturel. Bon, certains sont pour, d'autres disent qu'il y en a moins pour le culturel du coup. D'autres disent que ça fait venir au culturel. Bon, le débat est lancé. Enfin, moi, mon opinion est que je préférais avant. Alors, enfin, avant, pas le lieu, avant on était au port, puis avant on a été au Palais des Congrès, bref, il y a bien longtemps. Et en tout cas, c'était le port depuis quelques années, et avec deux jours différents, où on se retrouvait plus nombreux, effectivement. Les culturels, par exemple, l'Union des écrivains vosgiens, que j'anime, avait pu avoir 12 auteurs l'année dernière, cette année, ben, on a pu avoir deux stands, quand même, merci. Puis on s'était regroupé avec Réseau d'être, pour lequel on a fait les entretiens, justement, et avec La Langue de Travers, avec qui on coopérait, donc aussi, Philippe Vallée, etc., Véronique Barre. Donc voilà, en fait, on avait un grand stand, de quatre stands, si on peut dire, en mettant ensemble tous les stands. Alors, nous-mêmes, on avait comme auteur Muriel Ravol, qui d'ailleurs est aujourd'hui, ou demain, je ne me rappelle plus, enfin, elle est au Livre sur la Place à Saint-Dié. Catherine Spitz comme auteur, voilà. Et puis on était avec Félicie et Christophe pour animer ce forum. Voilà. Visite aussi de Marie-Pascale, à qui on souhaite de bien se porter, parce que bon, elle avait animé La Voix Verte aussi, et elle a un petit problème, disons, de petite fracture, je sais pas quoi, enfin, bonne chance, Marie-Pascale, voilà, qui nous écoute, sans doute, voilà. Eh bien, donc, disais-je, c'est parti, mon ordi, Et donc, voici, alors j'apostrophais les gens devant l'espace des, où les autres faisaient écrire. Moi-même, nous-mêmes, on a fait écrire un peu. Par exemple, Olivier Dicari, je ne sais pas si on entendra lui, parce qu'il jouait aussi de la flûte. Il était venu aussi à la manif à côté, hein, il y avait une manif. Voilà, et ben, donc moi, donc, je n'étais pas à la manif pour l'enregistrer comme il y a 15 jours. Mais bon, c'était à peu près la même manif. Bien, donc maintenant, c'est le forum. Quelques entretiens pris au vol. Bonjour mesdames, pour Réseau d'être, on fait une enquête sur les gens, sur le ressenti. Bon, vous pouvez écrire d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont écrit, mais on peut dire, qu'est-ce que vous pensez de la situation ? À Réseau d'être, c'est donc ici, Transhumance, c'est tous ces stands. Qu'est-ce que vous pensez, comment vous voyez la situation ? Eh bien, on essaye d'avoir de l'espoir. Ah oui, vous êtes optimiste alors ? Ah ben oui. Voilà. Ben, on a des jeunes, donc oui. On ne va pas faire que gémir, hein, y a pire. Ben, bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a des moyens, on nous soigne, donc voilà. Ouais. Donc vous croyez qu'on va s'en sortir, hein ? Oui. Bon, ah ben, tant mieux alors. Si vous avez envie de l'écrire, vous pouvez aussi l'écrire en public, soit là-bas, soit ici. On écrit ce qu'on ressent. Voilà. Pour l'instant. Bonjour messieurs, dames, pour Réseau d'être qui fait une enquête sur le moral de la population en ce moment. Donc Réseau d'être, en jument, c'est ici. Qu'est-ce que vous pensez de... Comment vous voyez la situation actuelle ? Le planétarium a un stand ici. Qu'on est amené en bateau. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Oui, et sinon, comment... Je vous offre des comment vous voyez l'avenir ? Pour aller au planétarium ou au musée. Si les Français ne bougent pas, mal. Ouais. On va démarrer le quiz. Aussi. On a trois jeunes filles qui sont avec et nous, vous, qui sont déjà prêtes à démarrer. Vous êtes jeune, vous avez testé des activités. Vous avez quel âge ? Là, 15 ans. À 15 ans, comment vous voyez la situation à votre âge ? Vous êtes mouillée. Vous êtes en seconde, en première ? C'est sur l'eau, c'est pas dedans. En seconde, oui. Comment vous voyez la situation ? Bizarrement. Alors, on va jouer avec vous. Musée de l'image ou planétarium ? Ouais. Qu'est-ce que vous ferez vous haussez les épaules. Ça veut tout dire. Elle ne sait pas trop. On ne sait pas. Remarquez, nous non plus. Hein. Sarah. Voilà. Ouais. Écoutez, voilà. Hein. On est dans un pays qui rentre en dictature, là. Je crois aussi. On est d'accord pour pas mal de choses. Oui, oui. La sculpture des doigts de César, la fameuse rue des doigts. Il faut résister, quoi. Tout le monde connaît cette rue en disant... Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pris conscience de la situation. Est-ce que c'est la rue des États-Unis ? Oui. Est-ce que c'est pour la ça rue qu'on essaie de sonder un peu le moral. Est-ce que c'est la rue Aubert ? C'est dans ce sens. À ton avis ? Voir où on en est. Voilà. Vous pouvez écrire aussi, d'ailleurs. Hein. 4 septembre. Bonjour, messieurs, dames. Pour Réseau d'être qui fait un collectif sur le moral des Vosgiens, des gens d'ici en ce moment. Comment vous voyez les choses ? Oh, on n'a pas le temps aujourd'hui. Ah bon ? Bonjour mesdames, excusez-moi, pour le collectif Réseau d'être là, qui affiche des impressions des gens, comment vous voyez la situation maintenant ? Comment vous voyez l'avenir ou le présent d'ailleurs aussi ? Ben, on espère qu'il soit positif. Oui. Et puis, qu'est-ce que vous espérez ? Non, on va vous trouver une consolation, bien sûr. Un retour à une vie normale, hein, si on parle plutôt du virus. Puis que ça ait pu faire changer peut-être certaines mentalités. Oui, comment On a été quand même dans une période relativement difficile et peut-être un petit peu moins égoïste, un petit peu plus tourné vers l'autre. Ouais. De partage, d'entraide. Donc, vous voyez l'avenir avec soleil ? Soleil. Nous, on est positive et on veut rester positive. Et voilà, vous êtes toutes solaires, d'ailleurs, toutes les deux. La brune et la blonde. C'est ça. Voilà. Bravo. Merci. Bonjour, madame. Excusez-moi, pour le collectif Réseau d'être qui recueille les impressions de la population... Comment vous voyez le présent, l'avenir ? J'espère très bien, pour rester optimiste. Oui. Et voilà, après, si tout le monde y met du sien, ce sera pour le meilleur. Et les enfants, quel âge ils ont ? Quel âge tu as ? 7 ans. 7 ans ? Tu t'appelles comment ? Nathan. Comment ? Nathan. Nathan, ah oui. Et toi ? J'ai 6 ans et je m'appelle Anaïs. Et alors, Comment vous vivez-vous tout ça? Vous allez à l'école? Oui. Oui. Et vous y êtes déjà allé à l'école hier, avant-hier? Oui. Et il faut porter le masque? Oui. Pendant tout le temps? Oui, toute la classe. Ah oui? Sauf à la récréation. Sauf à la récréation. Et c'est embêtant? Mais c'est un peu embêtant. Oui. Et vous espérez que... Et toi aussi, pareil? Oui. Vous espérez qu'on l'enlèvera bientôt? Oui. Oui. Oui, on espère tous, hein, de pouvoir le retirer après. Ben écoutez, voilà, c'était pour mesurer le moral des Spinaliens et des Vosgiens. Voilà. Ben, merci. Bon, de rien, bon courage. Bon courage à vous. Voilà. Vous dites au revoir les enfants. Au revoir. L'immédiat. Bonjour madame, est-ce que vous voulez donner vos impressions? Non. Bonjour monsieur, si vous avez une minute, pour le collectif Réseau d'être qui enquête sur le moral de la population. Comment vous voyez les choses? Bah écoutez, plutôt bien. Ouais. Plutôt bien. Vous, l'avenir, comment vous voyez ça? Flou. Bien. Flou. Ouais. Vous pensez qu'on va s'en sortir? Bah, je pense que quand on veut, on peut. Hein. C'est pas impossible, c'est pas évident. Mais où travaillez-vous? À la mairie d'Épinal. À la mairie d'Épinal. Ah oui. Il y a des mesures particulières, la mairie, il y a le pass sanitaire? Il me semble pas, ça doit être le cas dans... Si je vous dis ça de mémoire, mais ça doit être le cas dans les établissements qui reçoivent du public, j'imagine. Oui. Mais dans, disons, pour les agents de manière générale, il me semble pas. Vous n'êtes pas impacté par ça, donc? Moi, personnellement, non. Donc ça vous embête pas, ça? Bah, à titre professionnel, non. Mais vous voyez l'avenir comment alors? Bah, comme je vous ai dit, en pointillé. Oui, en pointillé. Voilà. Bah écoutez, voilà. On commence par vous, quel est votre prénom? Bonjour madame, excusez-moi, c'est pour Réseau d'être qui fait une enquête sur le moral des habitants. Alors, vous pouvez vous exprimer par écrit au stand là-bas, si vous avez des choses à dire. Sinon, comment vous voyez les choses sur l'avenir, la situation actuelle? Bonne réponse, j'ai même pas eu à vous proposer. Les choix, il faut avancer. Oui. Faut avancer. Mais voilà. On va en dire plus. De toute façon. Voilà. Quelle est la couleur du logo de l'équipe de hockey d'Épinal? Bonjour messieurs, dames, excusez-moi une minute. Est-ce que vous avez, avec Réseau d'être qui expose dans les quatre stands qui sont là, on enquête un peu sur le moral de la population en ce moment. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le présent, le futur? Au planétarium sans sur le moral de... Il y en a marre hein, de ces conneries de masques et tout. Oui. Il y en a marre. Alors on continue? Oui. Et puis, comment vous envoyez les choses pour le futur? Oh bah... Je sais pas du tout. Okay. Bah ça va bien s'arranger quand même. Ah oui. Et vous? Espérons. Vous qui êtes... Je sais pas. Vous savez pas, vous avez 18 ans? 19. 19, oui. Et comment vous voyez l'avenir de la jeunesse? Ah bah je sais pas. Fantastique. Vous êtes étudiante? Oui. Ça, vous avez fait la rentrée là bien déjà? Bien sûr, et vous pouvez noter. Ouais. Oui. Ça se passe bien? Bah pour l'instant oui. Avec le masque et tout aussi? Oui, c'est chiant ça. Ah, ouais. C'est pénible. Hein. Oui. C'est pénible. Hein. Oui. Et le jeune là, c'est quel âge tu as? 12. 12 ans, tu es au collège? Oui. Et comment ça se passe au collège? Ça va, ça se passe bien. Voilà, et comment tu vois l'avenir là? Bah, ça se passe un peu mal. Là, dans la planète, il faut tous se faire vacciner. Ah oui. Et l'avenir de la planète, tu dis, il n'y a pas que le Covid alors? Voilà, les arbres qui meurent à cause du scolite. Ouais. La cité du bois. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le monde aussi hein? Les boiseries. Je sais pas. Ouais. Bah évidemment, la cité des îles. Voilà, ma foi, si vous avez encore quelque chose à dire ou à écrire, parce qu'il y a des stands qui recueillent l'écriture là. Voilà, voilà, mais moi c'était pour au vol. Voilà. Oui. Merci. Hein. Merci à vous. Bonjour madame, excusez-moi, c'est pour Réseau d'être qui enquête sur le moral de la population. Comment vous voyez le présent, l'avenir? Oh, mais moi je m'adapte, voilà. Ça va? Oui, ça va. Oui. On va plutôt vers le mieux, non? Ben, j'espère, oui. Oui, oui. Bah oui. Alors, tout va bien, quoi. Tout ira bien. on va dire que tout ira bien, oui, parce que bon, pour l'instant, c'est encore un peu restrictif, mais bon, faut faire avec. Voilà. Voilà. Bon, ben, il fait beau. Mais oui, il y a toujours quelque chose à faire, même merci. Chez soi. Merci. Hein. Allez, dernière chance devant la porte. Bonjour, messieurs, dames, c'est pour Réseau d'être. Voilà. Pardon, messieurs, dames, excusez-moi, c'est pour Réseau d'être qu'il y a des stands ici pour sonder un peu le moral de la population. Tout va bien. Tout va bien, mon capitaine. Bon, ah bah alors ça va, là. Tant mieux. Bonne continuation. Merci. Bonjour, messieurs, dames, si je peux vous arrêter deux minutes, c'est pour Réseau d'être qui fait les stands et qui enquête sur le moral de la population. Il est bon, votre moral ? Ça va. Ouais. Ça va ? Ouais. Vous avez bon espoir pour le futur ? Ah bah oui, oui, oui. Bon, pas de problème, rien, tout est bleu. Oui, tout va bien. Ah mais tant mieux, hein. À vous voir, on le croit. Bonjour, messieurs, dames. Excusez-moi, vous êtes... c'est pour le Réseau d'être. Ah bon, merci. Voilà. Oui, bonjour monsieur, bonjour. C'est pour le collectif Réseau d'être. Bonjour. C'est pour savoir votre vision de la situation, comment vous la voyez, la situation actuelle, le présent, le futur, voilà. Ah non, bah, non bah, la situation, non, bah, moi je suis là pour parler d'artistique. Hein, pas de... Oui, justement, mais enfin... Ah non, Vincent, je ne veux pas. Ah bon. Non. t'as pas d'idée ? Non. T'en as trop ? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, on laisse. Oui, en fait, on se connaissait, mais c'était faussé. J'ai dit monsieur, j'aurais dû dire... Je dis pas qui. Je respecte l'anonymat relatif. Bonjour, madame... Puis-je pour le collectif Réseau d'être, qui fait des enquêtes sur le moral actuel de la population, puis-je avoir votre sentiment, bref, sur la situation, le moral. Alors je vais vous dire une chose, s'il n'y avait pas les mensonges du gouvernement, ça irait mieux. Bon, déjà, et puis des pauvres commerçants qui n'ont pas été aidés, alors qu'on leur a dit qu'ils avaient des droits de ci, de ça, qui n'ont jamais été aidés, et on est dans la misère. Voilà. Vous êtes commerçante ? Ma belle-fille est commerçante, la mère de la petite. Ah, la mère de la petite. Voilà. Quel âge elle a, la petite ? Elle se cache, mais un peu. Tu vas à l'école ? Quel âge, Madoué ? Oui, elle va à l'école. Ah, oui. Voilà, mais à la... Oui. Oui. Et ben donc, voilà. Donc nous, nous, on est obligés de se priver pour aider des personnes qui n'auraient jamais dû être dans une galère comme ça. Ah, ouais. Voilà. Donc vous voyez, comment vous voyez le futur quand même ? Oula ! Alors il faudrait, par rapport si c'est à la maladie, on ne s'en sortira jamais, ça c'est sûr, puisque c'est des virus qui, voilà. Et puis ma foi, j'espère que les jeunes arriveront à reprendre le flambeau et puis à essayer de trouver leur voie, de travailler, puis de faire quelque chose, quoi. Moi je ne sais pas. Hein. Moi mon avenir, elle est finie, c'est les piolets, quoi, qui vont ben, oui, hein. Vouloir aider. Il y a énormément de disciplines dans l'athlétisme. Hein. C'est vrai, c'est pour eux. C'est pour eux, hein. Les sauts, etc. C'est la course. Et vous êtes où, vous ? Alors, à quel stand ? Réseau d'art, c'est les deux stands, c'est les quatre stands qui sont là. Ah ouais, vous pouvez écrire, d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a pas mal qui écrivent sur les feuilles, hein, de couleur ou blanche. Et vous pouvez aller ou ici vous exprimer en plus par écrit ou là-bas avec Véronique qui est là-bas et vous pouvez donc dire un peu plus par écrit aussi si vous voulez. On affiche les impressions et on recueille, c'est transhumance citoyenne. On essaie de. L'été dernier on avait déjà recueilli des textes, mais c'était différent. On sortait du premier confinement. Et là, avec le 3-4 confinement, on continue, et on essaie de sonder un peu le désir de la population. Ça leur permet de découvrir toutes les voilà. D'améliorer, oui. Hein, d'améliorer la nourriture, tout ça, quoi. Hein, de rendre la planète plus propre. tu ouais. Voilà, hein, c'est ça. Hein, avec, après, c'est les pauvres gosses qui héritent, quoi. Ouais. Tu vas aller regarder oui, ce qu'ils ont dit. Viens, Malou, et on va les Vosges. Voilà, c'était la première série de témoignages. Et tiens, on a beaucoup parlé de Belmondo, et oui, à juste titre. Par contre, un autre décès bien, bien marquant, c'est celui de Théodorakis. Et ça, il faut qu'on en parle. Théodorakis, oui. Eh ben, on a beaucoup passé du Morricone, qui est disparu aussi l'an dernier. Lui, encore un géant de la musique. On a beaucoup passé du Morricone pour Belmondo. Mais Théodorakis, juste dans la foulée, eh ben, c'était vraiment quelque chose aussi. Et avec Zorba le Grec. Oui. Alors, je vais vous passer maintenant la suite des entretiens. Vous allez voir, on a 7 minutes particulières de quelqu'un, bah d'ailleurs c'est anonyme, hein, mais vous verrez, sans me prendre pour Guillaume Meurice de France Inter, et là, je suis tombé sur quelqu'un de particulièrement émoustillant, si je peux dire, interpellant. Voilà, vous allez voir, j'en dis pas plus sur Dieu, sur Satan, sur la fin du monde. Voilà, c'était vraiment le spécimen sur lequel je suis tombé et que je vais vous faire écouter. Ça me rappelle effectivement un peu les entretiens quotidiens de Guillaume Meurice sur le trottoir à Paris. C'est plutôt à Paris qui fait ça, lui. Voilà. Vous avez une minute. C'était juste les écrits que vous avez vus là. C'est des impressions de la population sur le moral. C'est ce qu'on ressent à l'heure actuelle. Et c'est Réseau d'être qui collecte ça. Et je complète, moi, par des questions. Vous pouvez écrire, mais vous pouvez aussi vous exprimer brièvement, c'est plus vite fait. Comment vous voyez le moral, la situation maintenant? C'est la misère. Ah bon, vous voyez ça comme ça? Oui. Ben oui. C'est ça. Pourquoi alors? Je ne suis pas à l'aise là. J'ai pas d'accord, trop envie de... Je comprends. Et vous, monsieur? Je suis positif, il faut être positif. Il faut y croire. C'est compliqué. Et vous, et les enfants, comment ils voient, quand agissons les enfants? 4 et 5 ans. 4 et 5 ans. Bon, ils ont leur avis. Hein, vous allez à l'école? Oui. Hein, c'est... On vous met le masque à l'école? Non, encore pas. Ah bon, tant mieux. Hein. C'est non. Encore trop petit. Eh, alors vous êtes un peu pessimiste, vous. Oui, oui, oui. Et vous, monsieur, plutôt optimiste. Voilà. Ben, ça fait une moyenne. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Rendez-vous à venir. Mesdames, excusez-moi, c'est pour Réseau d'être. Sportive, à venir, on ne sait pas trop. Messieurs, dames, excusez-moi de vous interrompre une minute. Oui. Voilà, Réseau d'être ici, c'est un ensemble de stands. Réseau d'être enquête sur le moral de la population dans la situation actuelle. Comment vous voyez les choses, vous, pour le présent, pour le futur? Bah pour le présent, il faut vivre au présent, donc on n'essaie de pas trop faire de soucis, on n'essaie pas trop. Je n'ai pas trop parlé. Non, mais comme vous voulez, c'est. L'avenir, on ne sait pas. Ce qui va se passer. Si on savait. Il faut garder le moral, c'est tout. Il faut être optimiste. Il faut être vigilant, déjà. Il faut être vigilant. Oui, tenez, hein, voilà. Il faut être vigilant, il faut être. Après, vaille que vaille, quoi. Ouais. Hein, ma foi. Il y a ceux qui sont vaccinés, il y a ceux qui n'y sont pas. Il faut respecter chacun. Oui, Parce qu'on n'avait pas l'installation. Et vous, madame, oui. Bon, et vous pensez qu'on va s'en sortir? Oh, ben, certainement, oui. Oui. Il faudra bien. Il faut y penser. Il faut, faut penser. Oui. Oh, bah, faut être mieux, positif de ce côté-là. Je pense que... Ça va déjà mieux, non? Ouais, j'ai l'impression. Oui, donc oui, ça va aller. De toute façon, puis, aujourd'hui, il faut faire pour que tout aille mieux, parce que on a besoin de sortir, on a besoin de, de voir du monde comme aujourd'hui. Comme là, aujourd'hui c'est super, super. Donc, je suis pas trop éloquente, moi. Mais non, il s'agit de vous avez été bien, il faut avoir un petit côté quand même optimiste, hein, parce que sinon on fait plus rien. Bah oui. On vit plus. Merci, merci, monsieur. Bonjour. Continuité. L'Atelier, le Vosges. Et voilà, je me suis encore trompé. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. C'est pour Réseau d'être. Nous enquêtons un peu sur le moral et de ce que ressent la population, les gens en ce moment. Sur le positif, le négatif, le futur. Alors, vous parlez du fait d'être ici, parce que être ici, ça donne plutôt le moral en voyant, en voyant tout ce qui est présent. Ah, ça ici. Déjà, oui. Hein, c'est vrai que. Ouais. Et ça, c'est vraiment un message très, très agréable de venir ici. C'est vrai. C'est voir vrai. Plein de choses. Voir toutes les choses qui se font ici. Quoi? Et pour le futur, comme en général, maintenant. Moi je fais plus confiance aux jeunes pour s'occuper du futur qu'aux gens de mon âge, mais je crois qu'ils arriveront à se faufiler là au milieu, avec les conditions qui seront les leurs, mais ils arriveront à se faufiler. Ils n'auront pas la même vie que nous, ils n'auront pas la même vie que vous, ils n'auront pas la, voilà, mais ils vont se. Ils vont trouver tout ça. Bah, je crois. Hein, voilà. Moi, c'est comme espérons, ça. Espérons. Je... Hein. Moi, j'espère. Voilà. Moi, j'espère. Merci, monsieur. Voilà. Ça va bien. Essentiel. Voilà. Ça va bien. Alors, vous pouvez parler alors. C'est quoi pour dire quoi? Ben, ce que vous pensez de ce que nous vivons à l'heure actuelle. Moi, j'ai pas de pensée, moi. Vous pensez pas. Vous êtes optimiste, pessimiste. Moi, je crois en Dieu, c'est tout. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Hein. Ah si, quand même. Je vais pas parler de Dieu là-dedans. Ouais, ben non. Hein? C'est comme vous voulez. Hein? Oh, tout le monde entend après. Ah bon, c'est pour vous, hein? C'est pour nous. On n'entend pas là-bas? Non, ça c'est pas pour la sono générale. Hein? D'accord. Ça c'est pour... Ouais, non, mais je sais pas quoi dire. Moi. C'est une enquête interne. Un réseau d'être qui enquête sur le moral de la population. Qui, vous voyez, il y a plein de textes qui sont écrits là. Où les gens mettent ce qu'ils ressentent. Ah, vous pouvez lire, d'ailleurs. J'écris pas, moi. Non, mais vous pouvez lire. Oh, pardon. Vous n'avez pas d'idée sur la société. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Vous n'avez pas d'espoir. Bah, je crois à la Bible, moi, Dieu, et on va avoir la vie éternelle avec Dieu, mais d'accord, ça n'a rien à voir. Hein. Ça a à voir. Ouais. C'est comme ça ne m'intéresse pas, la musique, ça. Ce que je connaissais, j'ai pris, mais... Ah oui, c'est comme vous voulez, hein. Non, mais ça... Ma foi. Je regarde tous les stands, je oui, m'intéresse. Bah, voilà, je suis curieux. C'est joli, hein. Oh, je connais. Ça laisse espérer, quand même. Bon, ben on verra. Hein. Oui. Ben voilà, je veux pas vous... Le mieux, c'est de croire en Dieu, c'est tout. Ah ben... C'était le virus, ça, c'est prévu sur la Bible. Hein. Ah oui. Ah ben oui, tous les tremblements de terre et tous les catastrophes, c'est prévu tout ça. C'est bon. Bientôt la fin du monde. Ah, vous la fin de ce système, c'est pas vraiment. Oui. On aura la vie éternelle après, peut-être. Ah d'accord. Ah ben, vous croyez, vous n'êtes pas croyant, vous pouvez pas. C'est pas catholique, hein, je parle moi. C'est chrétien, attention. Oui. Catholique, c'est pas trop. Il n'y a pas de croix normalement. Bon, je crois en des tas de choses quand même. Parce que la croix, c'est pas bon. Hein. Dieu, il a pas. Jésus, il n'a pas été sur une croix. Hein. Ah, oui. C'est un poteau. Hein. Oui, oui, hein, c'est connu ça, mais. Et c'est pas Noël, c'est pas 25. Hein. C'est pas le 25. C'était le temps de. Il faisait encore bon dehors. Alors c'était en Israël, là-bas, c'était peut-être au mois de septembre, octobre. C'était pas en hiver, hein, ça c'est sûr. Oui, non, ben, ça c'est sûr. Ah ben oui, hein. Ça a été choisi. Le 25 décembre. Ça a été choisi pour remplacer. C'est païen, c'est païen. C'est païen, oui. Ben voilà. La fête du soleil. Ah ben, et voilà, c'est des conneries. Ben voilà, c'est des conneries. Voilà. Ouais, enfin, ça a un sens. Ça avait un sens. C'est un sens, ça n'a pas de sens. Il ne faut pas croire à des conneries là. C'est les catholiques qui ont inventé ça, je ne sais pas, mais les vrais chrétiens, c'est Jésus non, et Dieu. Mais pour la vie éternelle, mais pour la vie. Oui, mais c'est. Eh bien, c'est bientôt la fin de ce système. Alors. D'accord. Peut-être. Alors. Vous croyez à l'apocalypse. Mais on ne sait pas quand. Oui, mais vous ne savez pas ce que c'est aussi. C'est pas. Il y a eu Noé, c'était l'eau. Noé, c'était l'eau. Et maintenant, ça sera avec le feu. Ah, vous croyez vous n'êtes pas croyant, vous pouvez dire. Vous ne savez pas ça. Mais j'en sais rien. Vous avez déjà lu la Bible ? Moi non plus, j'ai jamais lu la Bible. Elle est trop longue pour la comprendre. C'est peut-être l'occasion pour vous, si vous étiez... Matthieu 24, 14, qu'est-ce qu'il dit ? Matthieu 24, 14. Il vous reste peut-être quelques minutes. Ah, c'est connu, ça ! Cette bonne nouvelle sera prêchée sur toute la terre, en témoignage de Jésus, ou je ne sais plus. Et ça sera... C'est ça, la fin des temps. Voilà. Ça arrive là, c'est Dieu qui. C'est Satan qui gouverne là, vous savez. Vous voyez pas la guerre et tout, les terroristes et tout, c'est qui vous croyez oui, ça, c'est pas Dieu qui fait ça. Hein. Bon. Si vous croyez en Dieu, c'est pas Dieu qui est sympa, Dieu. Il est pour la vie et l'autre est pour la mort. Hein. Satan, c'est la mort. Hein. Là, c'est le 12 septembre en plus. Il faut penser à ça. Les terroristes, là. C'est pas des croyants, eux. Hein. C'est des terroristes, c'est pas des croyants. Bah, c'est des croyants à leur manière. C'est pas des croyants. Non. Des croyants de Dieu, je parle, moi. Ah oui. Ah, c'est pas des croyants, c'est de la merde, ça. Terroristes, hein. Ouais. Moi, je parle comme eux, hein, parce que c'est des cons. Hein. Tuer même des curés, ils savent même pas attaquer qui, alors... Ils s'en foutent et ils suivent Satan et ils veulent des morts. Eh ben là, hop, il y en aura. Ouais. Ben Satan, il ne faut pas suivre, c'est tout. on va pouvoir le vaincre, Satan, non ? Eh ben c'est Dieu qui va s'en occuper. Ah bon, ça sera il va l'être enchaîné pendant 1000 ans. Oh ben ça va alors. Ça va recommencer. Oui, mais. Et après, il va être délivré. Et après, il ne faut pas le suivre. Il y en a eu là, qui suivaient après Noé. Ben, ils ont recommencé. C'est pour ça que ça ne va pas. C'est pour ça, Satan, il gouverne maintenant. Il a été jeté au bord de la terre. Ah, vous ne connaissez pas vous connaissez. Moi, d'autres traditions disent, je connais le Kali Yuga dans le bouddhisme. Ah, le Kali Yuga, si, là, il parle du Kali Yuga, oui. De l'âge sombre aussi. C'est quoi l'âge sombre. L'âge où Kali, il n'appelle pas Satan, mais il appelle Kali, se déchaîne. Oui. Ah, c'est un et peu il dit pareil. Quoi il va se déchaîner. Eh bien, à la fin d'une certaine ère, qui peut être la nôtre, Kali, la déesse Kali, la noire destructrice, se déchaîne. Et qu'après, ça ira. Un Dieu, il est. Il y a un Dieu, il n'a pas 50. Hein. Voilà. Il n'y a qu'un Dieu et. Les Arabes, ils appellent. Comment les Arabes, ils appellent comment Allah. Mais eux, c'est un peu comme nous. Hein. C'est comme la Bible. Hein. Il y a le même truc. Abraham, il fête la fête. qui voulait sacrifier son fils. Oui, oui, oui. Eh ben, c'est sur la Bible, ça. Oui, ça, je sais. Alors, je sais. Eux, ils disent une autre version. Ils disent que... Parce que normalement, il n'y a pas eu... Il dit comment, Abraham ? J'ai pas l'agneau. Il n'y a pas d'agneau ? Alors, il était obligé de... Oui, oui, oui, mais Dieu, il est là, hein. Stop ! Il allait crucifier son fils. Mais, parce qu'il n'y avait pas d'agneau. Alors après, il a donné un agneau. Mais voilà. Ça y est, voilà pourquoi ils font ça, les Arabes. Votre croyance en Dieu fait que vous pensez qu'on s'en sort. Alors, tira. Non, il n'y a rien avec ça. Parce non, là, c'est Dieu qui s'en occupera. Ouais. Bah oui. Faut y croire, c'est tout. On verra. Bon, on verra bien. Chacun ses croyances. Non, tant mieux, tant mieux. Il va pas falloir se tromper cette fois-ci pour les. Mais attention, les fausses religions, il y en a. Ouais. Attention les papes, hein, le dernier pape après le dernier pape, attention c'est un antichrist, hein, attention à celui-là. Pour l'instant c'est encore le dernier pape. Là. Ah bon, c'est pas le dernier encore. Est-ce qu'il s'agit un antichrist, c'est pas bon. Ouais. Et c'est Satan qui va. De la Colombière, on va croire que c'est dernier. Je sais pas si c'est le dernier, ils savent pas, comme l'autre qui avait dit, les papes, il y en a plein des papes. Il y a tous les papes qui suivent là. C'est tout. C'est pas la Bible, hein, ça, la mais... Colombière. Il est comment, le... Ah, le voyant, là, qui est français, là, comment... Michel de... Mais évidemment, le stade de la Colombière. Ouais, il faut faire... Il faut suivre... Nostradamus. Nostradamus, qui a... Ouais, on comprend rien dans ça, c'est des trucs... C'est des trucs à lui, hein. Ouais, je connais, moi. Ah bon, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais je connais, parce que... Bah pareil, il va venir à la fin. Je suis né près du tombeau, près de dans la ville où il est né. Où il est, à Salon. Ah bon? Oui. Attention, il a dit des trucs pour les seigneurs, là. Il va être percé par les yeux, par un arche. Et c'est vrai, il a été mort de ça. Ouais. Un seigneur ou un roi, roi, je ne sais plus, un roi, voilà. Un roi. Et alors, il n'a pas raconté que des conneries. C'était mais vrai, non, mais son amus était un bon. Hein. Ouais. Mais comment il faut traduire tout, c'est pas évident. Avec ça, c'est évident. Ah là, il faut. Parce que ça a son temps à lui. Maintenant, il serait là, il dirait plus facile à dire des trucs. Bah oui, ouais. C'est plus facile. Voilà. Si c'est pas trop facile qu'il dit. Il y a trois réponses. 12 000. Eh ben merci. Hein. C'est voilà. Quoi qui pose la question, je sais plus. 16 000. Voilà, voilà. Voilà. Vous avez tout enregistré? Bah oui, c'est bien, c'est intéressant. Non, non, non. Ah d'accord. Il ne faut pas mettre le nom. Hein. Non, non, mais je vous connais pas. Ah bah, je dis pas mon nom. Non, non, mais merci, monsieur. Ouais, de rien. Allez, bonne journée. Et bon espoir. Personne ouais. Pour du sport s'est inscrite dans des clubs à Épinal. À bientôt. Moi, je prie, moi, en mangeant. Je ça ferait beaucoup, fais ma ça ferait prière, presque hein. Tout le monde. Hein. Si, ça pour tout pour monde, la santé, tout ça. On n'a droit qu'à une réponse. On essaye qu'il fasse beau dimanche à la braderie, mais ça, je ne sais pas si ça marche avec Dieu. Jeudi fait bon, mais jeudi, il y a vendredi, samedi, dimanche. Alors, ah ben, il faut qu'il tienne. Surtout pas demander des sous à Dieu. Hein. 33 000. Les prières, faut pas demander. Non, t'as qu'à travailler. C'est normal. Moitié, ah, c'est normal. Ça fait quasi la moitié. Gagner au loto, non, non. Oui, ça, c'est énorme. Sûr que... Bien sûr, c'est énorme. Je sais pas. Non. Non, mais. J'ai écouté ça, les deux cyclistes. Voilà. Bon, bah, allez, bonne soirée. Merci, bonne continuité. Bonjour, messieurs, dames, excusez-moi. Ici, c'est l'espace de réseau d'être qui enquête sur la population, le moral de la population. Tout va bien. Ah, tout va bien? Oui. Ah bon. Très bien, bon, tant mieux. Où est-ce que c'est Damien Nazon? Bonjour messieurs, dames, excusez-moi. Ici c'est Réseau d'être qui enquête sur le moral de la population en ce moment. Ah, Jean-Patrick, c'est ton prof. Ça va, vous avez bon moral? Alors ton avis, est-ce que c'est ton prof de sport aussi qui a gagné deux étapes sur le Tour de France, bon, à ton avis? Vous pouvez vous exprimer dans les stands qui sont là. Merci. Ah, c'était Nasser Wani. Bonjour, c'est pas messieurs, lui. Dames, excusez-moi. C'est le collectif Réseau d'être. Oui, mais on n'est pas d'ici, monsieur. Ah, non, ça fait rien. Vous, c'est vous, ton êtes, prof. Vous êtes c'est Jean-Patrick. Du monde, mais de la planète. Ah, on enquête sur le moral des Français. Ah, et des humains. Donc, comment vous voyez la situation? C'est le collectif Réseau d'être, donc voilà. Alors. Comment je vois la situation? Pour le futur, le présent? Pas très bien. Ah oui. On va parler de judo. Plutôt pessimiste. D'accord. Mais bon, on verra. Oui. Je fais pas de pronostic, hein, on verra comment bien. Ça peut s'arranger, mais bon, je vois pas trop comment. Alors, c'est lui qui. Voilà. Écoutez vous, bien, monsieur. C'est lui qui donne son nom. Ça au peut dojo. Être compliqué pour certaines personnes, en fait. Le dojo, c'est la salle où on fait tant du judo. Tant que vous êtes en activité. Près et de que, la piscine Iris, exactement. Est-ce que et c'est que vous gagnez Georges correctement Cotin votre vie, ça peut aller. Teddy Riner. Après, ça va être très compliqué, je pense. David et pour nos enfants. Ça va pas être simple. David donc, Douillet. Un grand point d'interrogation. Sérieux, les gars. Voilà, tout à fait. Merci. David Douillet qui a donné merci. Son merci de votre avis. Qui a créé le club. Bonne journée. C'est dame. Alors là, on en apprend tous les jours. Bonjour, mesdames, excusez-moi. Je... Non, c'est pas vous êtes pressé, non, non, non. Vous avez bon moral, tant mieux. Combien y a-t-il d'équipes au futur stade d'Auvive? Bonjour monsieur, excusez-moi si vous avez une minute. Oui. Ici c'est l'espace Réseau d'être, collectif Réseau d'être, qui enquête sur le moral des Spinaliens et des Français en général en ce moment. Oui. Comment vous voyez l'association? Écoutez, je connais pas, oui. Donc, sur le monde associatif? Non, sur la vie en général. Ah, tout va bien. Ah bon, tout va bien. On est avec les enfants, il fait beau. Ah, et... ah ça va. Voilà. Il faut vivre avec. Vous êtes optimiste pour le futur. Exactement, on va essayer, hein, on va faire en sorte. Voilà. Surtout pour eux. Ah oui, les heureux, c'est des. Quel âge ils ont, ces petits ans? Quel âge, toi? 6 ans. 6 ans, et toi? 3 ans. 3 ans. Vous allez à l'école? Oui. Tu vas au cours préparatoire? Au CP. Et tu as le masque à l'école? Oui. Et vous êtes contents, les enfants, à l'école? Vous avez pris la rentrée? Oui. Bien. Quel grand événement sportif! Et toi, tu vas à la grande, à la petite école encore? Oui. Pour la première fois. Et ils te mettent pas le masque, à toi? Non, non. Le championnat de France de cyclisme? Oh, mon pauvre petit. Eh bien, espérons que ça ira. Au revoir, monsieur. Bonjour messieurs, dames, excusez-moi, c'est Épinal, pour, hein. Ici pour le collectif Réseau d'être, nous enquêtons sur le moral de la population à l'heure actuelle par rapport à la situation. Comment vous voyez les choses? Bon moral à mort? Oui. Oui, bien sûr. Bon, il fait beau, ça va bien. Ça va. Et pour le futur? Pourvu qu'il continue à faire beau, puis normalement ça devrait bien se passer. D'accord. Et madame? Allez, dernière question. Ça va. Après, on verra bien demain, j'allais dire. On prend les choses au fur et à mesure. Les enfants, ils ont quel âge? Ils sont 4 ans. Un an et 6 ans. Un an, hein. Elle est grande, hein. Un an, coucou. Et 6 ans, oui. Et il a été à l'école, le grand? Tu vas à l'école? Tu es au CP? Tu es content? Le Tour de France, une fois, deux fois. Tu es content d'aller à l'école? En tant que ville-étape. Non? Je ne sais pas. T'as été à l'école bientôt, récemment, je veux dire? Je ne sais plus. Alors je vais vous aider, c'est pas une fois. Ils te mettent le masque? Quoi? Tu es obligé d'avoir le masque? Ah non, ça va alors. T'es à Épinal alors? Oui. Ah bon, merci. En tout cas, espérons que ça ira. Quoi. Ouais. C'est ça. Bonne journée. Bravo. Vous aussi? Et voilà un échantillon de la population. C'est assez équilibré en pessimisme et optimisme. On voit. Bon, voilà. Encore un coup de Théodorat qui se tient, que je fais tourner en ce moment. Nobody. donc Mikis Theodorakis, auteur notamment de Zorba le Grec. Hein. Voilà. Eh bien, après cette première partie au Forum des Pinas, voilà, excusez-moi, c'est mon GPS qui me parle, parce que j'étais en train de chercher sur Theodorakis. Voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai trouvé. Alors là, par contre, on en a pour un bon petit moment, là, puisque c'est 2h18, bah, juste ce qu'il nous faudra pour aller à minuit, sur la fête de la Voix Verte, laquelle s'est déroulée le 29 août. Là, c'était une relance de la Voix Verte. Il y a longtemps qu'on n'avait pas fait comme ça. Et c'était avant, c'était plutôt en Moselotte. Nous, on avait essayé en Haute-Moselle il y a quelques temps. Et avec la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur et Recré, donc, on a décidé de faire une Voix Verte importante. Et en même temps, ça se situe dans le cadre de la transhumance aussi. Puisqu'il y avait un atelier d'écriture au TIO, au point central, lancé par Christine Papelier et Maggie Louis, pour, qu'on les a appelés l'arbre à palabres. On en aura des résultats aussi du recueil de la parole publique. Alors bon, on était soutenus par la Voix Verte de Haute-Moselle, par le Pays de Remiremont notamment, et par l'Office du Tourisme de Bussan. Bref, on a eu toute une série de reportages. Là, le dernier en date intéressant est paru sur l'Écho des Vosges par Marianne Desvosges. C'est une première partie, je vous recommande, ce sera assez complet. Sinon, on a eu dans toutes les localités, Remiremont, Rue, Le Tillot, Saint-Maurice, Bussan, on devrait voir sur Ferdru et Rue aussi, des échos de ce passage d'un peloton qui était pas très nombreux puisque quand même il faisait pas très beau, mais qui était un peloton quand même très tenace, avec mené par Isabelle Arnoux et à part Pascal Fauqui et par Jacques Gupp. Voilà, honneur à eux. Voilà, donc alors je vais vous faire écouter en fait le final s'est déroulé à Bussan. On voulait finir dans l'amphithéâtre, qui est une sorte de l'ancienne plaque tournante SNCF, mais il y avait du vent, il pleuvait un petit peu, on s'est remis sous la halle de la Moline, comme il y a un an, on avait dû se remettre quand on avait fait un parcours Poitiers le 26 juillet. Voilà, toujours dans le cadre transhumance d'ailleurs. Et donc, voilà, donc vous allez entendre successivement, mais je vous le dis, parce que après je vous les présenterai peut-être pas tous au fur et à mesure, vous entendrez une série de séquences qui commencera par Sylvie Leguet qui chante, excellemment d'ailleurs, Torenzo Vincent Palmas qui fait un fédo, ensuite les détricoteuses qui sont les clowns bien-aimés Miss Violetta et Noisette. Ensuite, vous aurez les colosses aux pieds d'argile qui notamment ont pu faire venir, c'est Marie-Pascal notamment, et Kiko, Colin et Yuva, qui ont pu, avec le DJ Redou, qui ont pu faire venir le grand poète Richard Rognier à Rue pour eux. Ensuite, on entend Claude Pierrel, également un fédo, un monologue de fédo, Claude Pierrel des Quais d'Allumés, comme Torenzo. Et puis, des poèmes lus par Félicie et puis par fable interprété par Evelyne. Ensuite, Rosie et Lison dans Le mariage des lutins, extrait d'une pièce de théâtre, Le bal de toute vie, que j'ai commise, donc voilà. Michel Zénini, chanteur. Puis, à nouveau, une scène de sorcière avec Torenzo et Christine Papelier. Christine, elle est du théâtre de L'âme en scène à Épinal. Puis, les tricoteuses, à nouveau Sylvie Leguet qui chante. Ensuite, Christophe Philippe qui fait un monologue. Puis, les colosses au pied d'argile. Et puis ensuite, la fête des mineurs. La fête des mineurs, une scène avec notamment Marie Montémont de la Mancelle et Christophe Toussaint à la Vieille Larroux. Et en finale assurée par Aïssa Teba, chanteuse franco-mauritanienne. Alors voilà, eh bien, le mieux c'est d'écouter. Et voilà, bonne écoute avec tous ces artistes, acteurs. Il y avait aussi des peintres, j'ai oublié de dire, des peintres tout du long. Alors là, c'est moins sonore, mais il y avait beaucoup, pas mal. Il y avait Vincent Palmas, il y avait Clémence Pierra, il y avait Rosie, qui joue aussi, Rosie, il y avait Segundino, Maya da Silva, il y avait Marie Montémont, il y avait la sculptrice Françoise Feldus, le photographe Dominique Stenel à Busson, et puis Christophe Philippe qui peint aussi également. Voilà, donc c'était vraiment très fourni, tous les arts étaient présents dans cette fête de la voie verte qui ne donne qu'une envie, celle de recommencer en espérant un temps meilleur peut-être, mais bon, ça a quand même, on a quand même évalué environ 70 personnes au final à Busson et 200 personnes en tout, on peut dire, tout le long de ce peloton qui avançait en vélo depuis Remiremont, 30 km de voie artistique. Voilà. Eh bien, on va partir. Voilà. C'est parti, Sylvie Le Guay. Le vois-tu venir, mon amour, dimanche avec sa gueule moche. C'est un voilà qui tourne autour, ce jour triste comme un son de cloche. Autant suspend mes heures de vol et couvre mon cœur de patine. Quand la déprime me raccole, ces mots de passe me chagrinent, tant tu la marche funèbre. Cette semaine qui crève, à cette détresse, une trêve, poser ma bouche sur tes lèvres. Caresse-moi, caresse-moi, que le ventre gonfle les larmes, soir la vie me rétame. Tes mains sur moi, caresse-moi. La rêve du dernier délit. La rêve du dernier délit. C'est un dimanche comme tant d'autres qui déjà me vide le cœur. Une petite bête noire se vaut impunément sur mes humeurs. J'ai la déprime en fleur de peau et l'automne dans mes entrailles. Pas une vieille placebo ne peut soigner ce qui m'entaille. Et toujours la marche funèbre, cette semaine qui crève, à cette détresse, une trêve, poser ma bouche sur le terrain. Caresse-moi, le vent gonfle les larmes, soir la vie me réveille. Caresse-moi, caresse-moi, caresse-moi, caresse-moi. Ne laisse pas ce jour vieillir sans poser avant qu'il n'expire. Aime-moi, caresse-moi, toujours la marche. Cette semaine qui crève, cette détresse, une trêve, posez ma bouche sur tes lèvres. c'est le programme. Ouais. D'ailleurs, c'est le programme. Ouais, voilà. Merci. Voilà, vous prenez de la place, il y a des bancs. On va chercher tant qu'on veut. Aïe, alors je l'essaye seulement. Voilà. Allez, on prend. Ah, une petite chanson d'Yves Simon. De non, non, pas d'Yves Simon, mais non, de Michel Simon, voyons. Enfin, c'est pas la même génération. Mais même, tu t'en souviens? Notre belle époque, c'était la première fois qu'on aimait pour de bon. À présent, faut bien dire, on a la devise schnock. Mais ce qui fait passer de tout, c'est qu'on a la passion. Rappelle les de pierre, présent, j'y pense. J'en rigole doucement, mais c'est plus fort que moi. Comment que tu ferais maintenant pour y loger ta pente? On a pris la bouteille tous les deux à la fois. Et Mel, tu t'en souviens, comme t'as fait des histoires pour ne laisser cueillir la marguerite au champ. Et pourtant, c'était pas vraiment la mer à voir. Ça t'a fait des ennuis, mais c'était pas méchant. Rappelle comme je t'ai. Claire au café, je veux bien, mais faut que tu chantes. Chérie, t'as renversé ton verre, faut l'essuyer. Mon Dieu, c'est pourtant vrai que je t'appelais chérie. Il faut pas en vouloir, mais je ne m'en souvenais plus. On parle des souvenirs, mais c'est fou ce qu'on oublie. Je te demande pardon, chérie, et qu'on n'en parle plus. Si je te dis ça, c'est pour te dire que je t'aime. Te le dire comme ça tout cru, c'était trop dur pour moi. Mais au fond, je suis content, je vois que t'as compris quand même. Je peux te le dire, mais même, j'ai jamais aimé que toi. Des veines. J'avais mis mon beau pantalon, le pantalon de la semaine, pour aller voir Madelon. Madelon est un nom de femme, vous l'avez aisément compris, que Madelon était la dame de qui mon cœur était épris. Bref, j'en avais tant dans la tête que là, sur le bord du trottoir, pour mieux réfléchir, je m'arrête. Et sans même m'en apercevoir, soudain, à la jambe, j'éprouve comme une drôle de sensation. Je regarde. Et qu'est-ce que je trouve ? Oh ! Une inondation ! Un affreux chien. Un chien vulgaire, ignorant les lois de bon sens, pour quelques simples réverbères, avait pris mon pantalon ! C'était comme une cataracte qui ruisselait abondamment. Mais ce n'était que le premier acte. Cela commençait seulement. En voyant cet immonde sache, je pousse un cri. Ah ! Et furieux, dans le dos du chien, je détache. Un coup de botte généreux. Après quoi, dans une boutique j'entre afin de faire laver l'humiliation publique dont on venait de m'abreuver. La chose de faite est toute humide, tout mouillé dans mon pantalon. Je dirige mon pas rapide vers la maison de ma mère. Je n'avais pas tourné la rue que tout à coup là je perçois comme quelque chose qui remuait, qui renifle derrière moi. Je regarde. Oh ciel, quelle audace! Vous ne le devinerez pas. Des chiens, 10, 15, 20 en masse sont là, derrière moi. Exaspéré, je les repousse à coups de pied comme je peux. Et s'ils reviennent à la rescousse, elles me suivent à qui mieux. Devant cette immense troupe dont je suis cerné, bientôt une foule se groupe. Chacun me regarde consterné. On se demande, on s'interroge. Si je montre ce dessert avant, un monsieur même me marchande. Un chien, oui, combien je le vends. Mais monsieur, mais comment on débarrasse? Prenez-les tous, ils sont à vous. Quand on extermine la race, au nom du ciel, prenez-les tous. Et là-dessus, d'un bond, je quitte toutes ces personnes déconcertées. Et oh, les chiens, toujours après moi, sont à ma poursuite. Enfin, j'arrive à la porte du logis de Madelon. Ouf, mon supplice a donc un terme. Je sonne. J'entre et fermement, au nez de tous les chiens, je ferme la lourde porte promptement. Mais voilà bien une autre affaire. À peine ai-je vu Madelon qu'elle me montre toute fière un tout petit chien de salon. Je viens de la jeter, dit-elle, n'est-ce pas qu'il est charmant? Certes, oui, la bête est très belle, murmurai-je piteusement. C'était un animal horrible. Mais il plaisait à Madelon. Soudain, j'eus une peur terrible. Le chien flairait mon pantalon. Voyez donc comme il vous aime, me dit ma future en riant. En effet, oui, j'étais tout blême. Madelon trouvait ça charmant. Hélas, ma crainte était fondée. Tout à coup, là, en plein salon, je sentis ma jambe inondée, encore rouillée de mon pantalon. C'en est trop. J'éclate en furie. Et comme un fou, subitement, aux yeux de la bellerie, je sors et je quitte en courant. Je touffe, j'en ai la berlue. Je n'en puis plus. Mais patatras, qu'est-ce que je vois dans la rue? Tous mes chiens m'attendaient en bas. C'est un cramp, c'est une colle. Je ne sais comment les chasser. Et je pique une course folle pour pouvoir m'en débarrasser. Hélas, il court aussi vite. Et tu pisais, que nous allons plus ces deux motos à la poursuite. Sale-toi derrière tes talons. Ce n'est plus une groupe, c'est une révolution qui va à court, qui a moins coupe, partout la circulation. J'ai des enfants, des vieilles femmes, des aveugles, des écopés, des bigotes, des vieilles dames, tous après moi. Tous après moi, les cités. Plus d'un chien que l'on tient en laisse par tous les autres attirés, traîne son maître, sa maîtresse, son conducteur atterré. J'ai des femmes et des enfants. Plus d'un même crie. Ton âge, j'arrive chez moi, tout perclus, jurant bien, le cœur plein de rage, que l'on ne m'y reprendrait plus. Et depuis, du long de immonde, je m'affecte de haut en bas. C'est un peu gênant dans le monde, mais les chiens ne m'approchent pas. C'était Lorenzo. Et maintenant, je vais. Elle se nommera elle-même. Allez, mesdames. Et maintenant, ça. N'ayez pas peur. Comme à la messe. Salut. Bonjour. Nous sommes les envoyés spéciales de la crise sanitaire. Noisette. Violetta. Nous sommes là pour vous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Petita. Cordon sanitaire. Ce qu'il ne faut pas faire. Stop. Un mètre. tête. Je vais voir dans ma boule de cristal. Madame Noisetta. La question, est-ce que les boules doivent se faire bâtir? Madame Noisetta. Et puis, disons, également. Donc plein d'artistes plastiques qui sont aussi des artistes créateurs. Maintenant, les colosses aux pieds d'argile. Les toits pleurent interminablement. Un corbeau craille, ennuyé, hésitant. La lumière, on a l'impression qu'elle pue, que quelque chose la désespère. Quelques feuilles accrochées aux branches d'un bouleau achèvent de mourir dans la gangue du temps. Il fait mauvais. On a envie de pleurer en regardant au loin le clocher du village qui aspire le ciel pour ne pas s'effondrer. Il brûle. Une sorte d'impureté rapatine l'air. On rouille. On n'a plus rien à apprendre. La vie et ses promesses sont comme autant de froides ombres qui envahissent les frontières, où se pressent les souvenirs dont on ne sait même plus s'ils sonnent juste dans le cœur. Les toits pleurent, on frissonne bêtement, on s'éteint. Elle est si noire, la voix qui me creuse. Salut à ces prolongements. Je les espère, les attends. Dans le vide voyageur, dans les nuits meurtrières, dans les mots que j'ai souillés lorsque tu t'appuyais contre moi. Affamée de lointains qui n'étaient pas mes ombres, elle est si noire, cette voix qui ne connaît personne. Sans arrêt sur nos lèvres, elle nous éloigne l'un de l'autre. Tu ouvres la terre, tu retrouves ton premier cri, déchirure dans le tissu du temps. Tu prends les sources contre toi, tu les fais courir sous ta peau, tu les fais dans ta chair. Comme autant de nouveaux vaisseaux. Tu creuses, creuses encore, tu retrouves les empreintes que le ciel a laissées dans tes os et sur les pierres familières où tu aimes t'asseoir en fin d'après-midi au bord du lac, lorsque les constellations de l'automne se confondent avec celles des vaguelettes qui viennent s'effacer lentement sur les bords. Tu t'ouvres au monde comme on s'ouvre à l'amour. Tu ne te contentes pas des promesses futiles, des confidences inachevées. Tu accompagnes le chant toujours vierge des merles et le balancement des sapins qui frôlent la lumière. Tu vis de la déchirure où s'engouffre la vie. Tu pars à la rencontre des autres tremblements que les herbes mourantes préparent. Dans l'ivresse de leur disparition, tu pars sans regret. Tu tires le fil qui fait vibrer le temps au-dessus de ton premier cri. Richard Rognier, donc grand poète originaire de chez vous, des Hauts-de-Vosges, traduit en cette langue et publié chez Gallimard depuis une quarantaine d'années. Il était d'ailleurs présent à Rupt-sur-Moselle ce matin. Et voici en interlude à trois poèmes de Christophe Colas, des extraits de haïku de la cinquième saison que j'ai écrit au premier. premier confinement l'année dernière. Forgeron sans fer, ferraille l'ordinaire au feu des entrailles. Mon univers, un troupeau d'hirondelles muettes s'abreuve de piments verts dans les étrailles tordues d'un réverbère amnésique, tandis qu'un vieillard cul-de-sac s'applique à marteler de son dentier une cheminée aquatique, à l'ombre des grévistes conservateurs, à l'ombre des jeunes filles en pleurs. C'est mon univers. Il y a des taudis et des clochers sanguinaires que la haine émarche de son saut cruel et fatal, et où, entraînés le long d'une fleuve qui n'a qu'une berge, des militaires pourrissants gravissent les escaliers à reculons. Des bourgeois mornés embrassent les gravillons en se moquant des énarques endimanchés. C'est mon univers. Il y a des histoires d'amour à péage automatique qui s'enroulent autour d'autoroutes verticales. Et dans une cacophonie de gémissements éblouissants, ils s'envoient la honte en intraveineuse. Des vérités qu'on invente à tout moment et qui nous condamnent à devenir des rescapés de l'oubli qu'on ramasse par fragments. C'est mon univers. Il y a des planètes aplaties et des nuages blindés afin que le soleil n'entre qu'à travers les failles. Des cœurs arrachés pour souffrir par procuration. Des viaducs arrogants qui charrient des cadavres puants. Et sous les tables moisies s'entassent des embryons de destins avariés. Et ces destins avariés ne varie jamais, jamais. Mais vous, qui êtes-vous pour vouloir partager mon univers? J'ouvre la fenêtre au grand printemps des oiseaux, du vent dans ma tête. Lettre ouverte. Dis, petit homme, quelles sont tes aspirations, tes grandeurs projetées sur des rêves en papier? Des grands papillons d'espoir, tous cerclés de noir. Dis, petit homme, que crois-tu que tu penseras quand tu seras devenu en âge de bien raisonner, quand tu seras devenu lâche et bien apprivoisé? Dis, petit homme, pétri de convictions falsifiées, as-tu jamais eu un goût pervers? As-tu jamais essayé de vivre ta vie à l'envers? Regarde, petit homme, tu as grandi trop vite dans le destin usé de ta vie, dans le costume mal taillé de ta mort. Dis, petit homme, et si tu me racontais, encore une fois, ton histoire? Où sont les masques? Au bal des démoniaques, rayons, farces et attrapes. Renonciation. Terminé. Les caresses fugitives, les étreintes hallucinogènes et le grand art rétrospectif qui revisite et corrige le passé. Terminé les sauts de l'ange malencontreux, la vertu sacrifiée à l'obscénité, la proximité joue à contre-courant et les baisers à mourir dedans. Terminé le destin forgé au lendemain qui chante, au lendemain qui danse, à cet autre jour qui te crève la panse. Terminé les sentiments biaisés pour les nouveaux fiévreux, pour tous ceux qui se croient parvenus, pour tous ceux qui n'y parviendront jamais. Terminé le rire au bord des larmes et le frêle adieu aux armes. Pas envie de vous mener la guerre, pas envie de vous satisfaire. Terminé. Se fondre du crépuscule au levant, l'éternité tremble. Ah. entendu, les colosses d'argile. Merci. C'est là notre franco-mauritanienne bien connue. Hein. Et du pays. Je connais les bras belles et tout. Je kiffe le master. Oui, parce que de toute façon, on va faire un morceau, on n'a pas beaucoup de temps. Tu peux nous accompagner aussi? Mais je change plus d'accord et c'est un peu bizarre. Je verrai ainsi. Tu verras bien s'il y a une note. Mais je ne veux pas non, changer. Non, non, parce que... Je tournais comme ça. Ah, ça a bougé. Je me transforme. Ah, Christophe Poussin-Mazer. Oui, parce que sinon, on ne peut pas parler de paix sans parler d'unité. Sans parler du fait de se rencontrer. Je sais que je parle beaucoup, mais je suis désolée. Moi, dès que j'ai une fenêtre ouverte, une opportunité, j'en profite. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de temps et que ça urge un peu et tout, quoi. Donc, en fait, là, je colonise un peu l'affaire, mais c'est pour avoir la pêche. OK ? Alors, voilà. C'est une chanson que j'ai l'habitude de faire et que certaines connaissent, hein, parce qu'on commence à être une team, donc les touristes, vous êtes les bienvenus. Hein. Vous pouvez aussi danser, si que vous en dites, j'ai la papa. Et on va faire un truc qu'on n'a jamais répété, mais le cœur y est. Ok ? Je suis contente de faire ta passion. Et bien sûr, vous faites partie de ceux qui vont faire le refrain, d'accord ? C'est tout facile, ne vous inquiétez pas. Faut-il juger en permanence chaque personne que l'on voit? Faut-il se méfier? À rue Chauvozel. J'en profite pour remercier tous les vélomènes et woumènes qui ont fait tout le trajet depuis Remiremont ce matin. 33 km, enfin, c'est pas mal. Hein. Puis ça grimpe à la fin, surtout. Claude Pierret, je ne sais pas où il est. Il est là. Voilà. Il nous a fait un sketch à rue. Oui, adieu, mon garçon. Adieu, adieu. Il y a des choses à ta mère. Quand je dis bien des choses, pas trop. L'exagération, ça ne sert à rien. Un peu de choses à ta mère, voilà tout. Oh, les neveux, quelle fraise inutile. En voilà un qui voudrait me soutirer de l'argent. Pour des dettes. Mais je vous demande un peu. Dame, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? On est honte, n'est-ce pas? On a certaines obligations. Je l'ai emmené à ma caisse. J'ai étalé beaucoup d'argent devant lui. Et je lui ai dit, si tu es économe, un jour tu en auras autant que ça. J'ai tout resserré et je lui ai donné de bons conseils. Mais il faut bien faire quelque chose pour ses neveux. Eh bien, il n'a pas été content. Alors je lui ai dit, écoute, si je te refuse l'argent, tu te fâches et nous nous brouillons. Si je t'en prête, tu me le rendras pas. Et nous nous brouillerons également. Alors j'ai mieux avant qu'après. Ça l'a cloué. Non mais c'est si simple. Vous voulez être riche? Vous voulez être riche? Soyez économe. Oui, soyez économe. Je l'ai été toute ma vie, moi. Ainsi, aujourd'hui, j'ai une grosse fortune. Je suis très heureux, je me prive de tout. Et quand je serai mort, j'aurai beaucoup d'argent. Enfin, voyons, c'est pas l'idéal, ça? Il n'y a pas de petites économies. Ainsi, lorsque j'ai une course à faire, je vais toujours à pied, moi. Et quand je suis pressé, le premier bus qui passe, je ne le prends pas. Mais je cours après et j'arrive en même temps. Et voilà la fortune. Tenez, quand je me suis marié, ça s'est fait au moyen d'un journal que mon concierge m'avait prêté. Oui, prêté. Je lis là qu'une femme riche cherche un époux. Je lui dis, voilà, mon affaire. Je vais voir la femme. Oh, elle était. Borgne. J'ai été enchanté. Je me suis dit, celle-là qu'un œil, c'est qu'elle doit être économe. Eh bien, pas du tout. Elle m'a déjà donné 10 enfants. C'est comme ça qu'elle comprend l'économie. D'ailleurs, ils sont tous borgnes comme elle. Et comme moi, je suis économe et comme ils n'y voient que d'un œil, je leur ai fait mettre un bandeau dessus. Comme ça, je suis sûr qu'ils ne l'abîmeront pas. Ah, ils n'y voient plus rien, mais ils ne seront jamais aveugles. Enfin, ce qu'il y a de clair, c'est que je ne suis pas un casse-pilleur, moi. Vous l'avez compris. L'an dernier, on m'a envoyé une terrine de foie gras. Elle a duré 2 mois. Tous les soirs, à table, on se mettait autour et on respirait le parfum. C'était exquis. Au bout de 15 jours, elle commençait à moisir. On l'a gratté avec un couteau. Au bout de 2 mois, il n'y avait plus rien à en tirer. Nous ne savons plus quoi en faire. Eh bien, nous l'avons mangé. Que voulez-vous? Eh oui, c'est plus fort que moi. Je ne supporte pas ton gâche. Tenez, j'ai un pain. Il m'agace. Il faut qu'il dépense pour dépenser. Tenez, il avait un chien qui l'adorait. Qu'est-il arrivé? Il l'a tant bourré qu'il est mort, le chien. Bourré? Mais oui, et lui aussi d'ailleurs. Tandis que moi, j'avais un chien. Mais il était en bonne santé. Mais il est mort au bout de 8 jours. Mais il n'a pas eu une seule indigestion. Ah, à propos d'indigestion. Si vous avez bon appétit, prenez pension à table d'hôte. Et là, mangez trop. Mais oui, c'est le même prix. Plus vous mangerez, plus ça vaudra le coup. Et l'hôtelier vous fera appeler, vous rendra votre argent et vous offrira une prime si vous allez prendre votre repas chez un confrère. Il vous donnera même des adresses. Je la connais, je l'ai fait 100 fois. 100 fois. Ah, c'est comme au jeu. Parce que mes principes d'économie, il ne faudrait pas croire que je ne suis pas joueur. Seulement, voilà, j'ai ma façon. Quand je vois des gens qui jouent, n'est-ce pas, je ne parie pas sur eux. Et je me mets derrière eux et je me dis, tiens, voilà un coup que j'aurais bien joué. Et je parie en moi-même des sommes énormes. Alors quand je perds, mais je gagne. Je gagne l'argent que je ne perds pas. Et en plus, j'ai les mêmes émotions que les joueurs. Seulement à l'envers, voilà. Ah, je vous dis, je suis plein de ressources. Voyez-vous, si je m'écoutais, je fondrai un cours d'économie sociale et politique. Et bientôt dans le monde, il n'y aurait plus que des riches, pas un seul pauvre. J'apprendrai à tirer de l'argent de tout, à épargner tout. On n'épouserait plus que des femmes très riches et l'on n'aurait jamais d'enfants. Ce serait la fortune assurée pour les générations à venir. L'économe, un morceau du spectacle créé par les Quais d'Allumés, enfin, troupe de Tchéfos, en 2019 maintenant, et donc le monologue de Fedou, et qui ne demande qu'à être joué. Donc, merci. Le corbeau et le renard. sur un arbre perchu, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tente à peu près ce langage. Et Monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Et laisse tomber sa bec. Le renard s'en saisit et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Et nous deux. Alors moi, je vais rester dans la poésie classique. Je vais vous lire de la poésie du 19e siècle. D'un auteur qui s'appelle Sainte-Beuve, qui est né en 1804 et décédé en 1869. Donc, le poème s'appelle « Que vient-elle me dire ?»« Que vient-elle me dire, aux plus tendres instants, en réponse au soupir d'une âme consumée ? Que vient-elle conter, ma folle bien-aimée, de charmes défleuris, de ravages du temps ?» De bandeaux de cheveux déjà moins éclatants, qu'a-t-elle à me montrer sur sa tête embaumée, comme un peu de jasmin dans l'épaisse ramée, quelques rares endroits pâlis dès le printemps. Qu'a-t-elle? Dites-moi, fut-on jamais plus belle? Le désir la revêt d'une flamme nouvelle. Sa taille est de 15 ans, ses yeux gagnent aux pleurs. Et pour mieux couronner ma jeune fiancée, amour qui fait tout bien, docile à ma pensée, mêle à ses cheveux noirs quelques nuages neige de fleurs. Un autre. Je vais en lire une autre. Un autre. Il s'agit d'un poète qui s'appelle Gérard de Nerval, que vous connaissez peut-être. Ouais, c'est un peu il est aussi du ce qu'on nomme du 19e siècle. Ouais, au moins. Il est né en 1808 et il est décédé en 1855. Vous avez pris note? Non, c'est pas très important. Je vais vous lire le poème Une allée du Luxembourg. Elle a passé, la jeune fille, vive et preste comme un oiseau, à la main une fleur qui brille, à la bouche un refrain nouveau. C'est peut-être la seule au monde dont le cœur au mien répondrait, qui venant de ma nuit profonde, d'un seul regard l'éclaircirait. Mais non, ma jeunesse est finie,

considérer. Ulysse le rusé était-il des vôtres? Il est venu ici, revenu des étoiles d'ici. Ulysse, et puis Alice, il a poussé le rêve jusqu'aux frontières du rêve. C'est là son épopée. La rive des morts, c'est aussi le chant des sirènes. Les morts sont ici? Partout? Notamment, les morts courent, les morts vont vite. C'est leur avantage. Ne sont pas limités à un creux d'espace. Ah bon? Eh oui, la matière de la texture de la matière, confiture de mystique, c'est l'écriture des étoiles. Votre parole merveilleuse des étoiles. On n'y peut rien, on est né avec. Mais les morts appellent. Les morts, c'est la structure de la matière. Je comprenais quand il me disait le problème du monde. Accouchement du monde. On en est, nous, des savants de l'an machin. On sait ce qu'on sait, il ne me dira pas. Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Alors, autant la fermer. Oh, l'impertinente. Bah justement, c'est pas parce qu'on veut rien dire qu'on n'a rien à dire. J'ai salué les étoiles depuis le ballon qui joue à ce cosmos. Il est là. Là-haut, escalvera les mondes, pied à terre des dieux. Mais vous n'en êtes pas, vous, des dieux. Oui, amorce de Dieu, les matières premières des dieux. Enfin, on verra. Et la fille, tu veux pas te marier avec nous? Bah... Vous êtes petit. Eh, faut pas se faire d'apparence, hein, qu'on a un grand aussi grand que... Bah, je veux dire, quoi. La tenaille du temps me tenaille, c'est vrai que je suis jeune. Mais tu vieilliras et mouriras. De nous, être de rêve, plus vrai que le pas vrai, tu ne périras jamais. Alors, marions-nous. Marions les roses, les roses s'entraîneront. Les roses s'entraîneront, tant que le sang joli. Faites femme, les roses. Pour nous, jamais. Rose éternelle. Comme les regrets. Envoler les regrets. Enjoler les soucis. Briser la petite vie. La grande vie. Le grand éclat. Et ici, tu verras. Mais je veux retourner à la terre, moi. Mais tu pourras, mes craintes. J'aurai juste un passe-passe pour toujours. Ben alors, ben oui, mais si je veux parler aux oiseaux, eh ben tu pourras. Aux animaux, oui. Aux chats, oui. Aux chiens, aux médors, aux canards, aux minous et aux renards, oui. Tout. Aux souris. Bon, si tu veux, mais pas trop. Alors, ce fut le mariage d'amour. Mariage des mines dans la chapelle ogivale qu'on voit du roi d'Espagne. Chapelle? Non, cathédrale. Reste impliqué dans la clameur des galeries centrales. Et l'anneau? Merci ta fille. De Michel Zellini qui va nous en pousser une. Une pour l'instant, après, jusqu'à minuit, oui, mais pour l'instant, une comme ça, pour alterner avec la suite qui va viendre. De petites flaques, un oiseau qui flotte sur le chemin. Venons-nous la main, sautons la barrière, dans les fougères, cherchons la fleur de l'accroche-cœur. De Caroline à Madeline, Christophe Bison. Sur la colline, aux corallines, chante cette chanson. Si les paroles sont un peu folles, c'est que les enfants inventent tout le temps. Chasse l'autruche, à cache-cache de truche, quatre moutons fument sur le balcon. De Caroline à Madeline, Christophe Roulison. Sur la colline, aux corallines, chante cette chanson. Le joueur de flûte a fait la culbute et son pantalon n'a plus de fond. La nuit qui tombe fait grandir les ombres, il faut rentrer, maman va s'inquiéter. De Caroline à Madeline, Christophe Roulison. Sur la colline, aux corallines, chante cette chanson. De Caroline à Madeline, Christophe Roulison. Sur la colline, aux corallines, se sépare en chanson. Et maintenant, troisième séquence, c'est sorcière. Par séquence qui a été jouée à faire bruit, donc il mérite d'être reprise aussi, voilà. Que tout le monde n'a pas vu, tout le monde n'étant pas à faire bruit, tout à l'heure, dans les temps de midi, où l'estomac était dans les talons, et les talons dans l'estomac. Voilà. Torenzo et Christine et Torenzo. Et ce fut la guerre qui ravagea la région et les sorcières, la sorcière, la vieille Esther. Tu veux rêver? Tu veux aimer? Eh bien, viens, suis-moi. Je t'emmène dans la forêt cueillir l'herbe à mon dragon. Bonjour. Ouvre ta main, ma fille. Accroche-toi la colline dans un papier. Partage-le. Il faut inverser la tête, la faire force brute qui aille jusqu'au cœur de toi. Cœur, sexe et ventre. Ouvre en toi la carriole folle qui mène au chemin rocailleux de ton immense, de ta folie. Sois folle et heureuse. Et quel est ton secret? La vie est comique, donc cosmique. Trouve en toi la racine au rire et tu trouveras la racine de tout. Je suis guérisseuse de l'improbable, du mal de vivre, du mal d'aimer. Du sang dans les mots. Et on exclame à Beyrouth, églou, églou, églou, au Saint-Ibis en Rajibus. Les mots sont fous. C'est là le nécessaire. Est-ce suffisant? Jamais assez suffisant. Bio, bien sûr. Sacre bon. Sacre bon. Silence. Silence des marécages. Oui, des marécages. La sorcière, la parole sans frontières. Coupez le ciel en deux. En quatre. Question sans réponse, je cherche pas inconcevable pirouette. Ce qui est là, notre souffle, notre corps, à tout ce qui nous entoure. Qui dit ? Avec tout son corps et tout son esprit, renoncer à comprendre, maîtriser, modifier, en court-circuitant les mots. Court-circuitant les mots. En intensifiant sa présence sans aucun. qui n'attend que le face-à-face silencieux avec le tout. Oh. Et pas besoin de comprendre pour apprendre. Et pour ressentir, comme il dit, parfois, comme des sensations étranges de bouleversement calme, se laissant imprégner partout, habitant notre corps, utilisant notre souffle comme vecteur, inspirant ce que nous vivons pour le faire entrer et descendre au plus profond de nous, redonnant en expirant tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Ouais. Et il suffit de respirer, quoi. Mais en le sachant, puis accroche-toi aux anges qui passent dans le ciel avec... Avec... Avec... Le balai. Le balai. Et l'éternité est là, Adi dira. Vous savez qui? Albert Camus. Avant. Stop. Voilà. Bah, puisqu'on a le vaccin, je vais me faire vacciner. Oh, la chance! Oh, non, c'est peut-être la chance! Wow! Oh, tu vas te faire vacciner, Noisette. Ouais. Oh, la chance! Oh, peut-être la chance, Noisette. Qui c'est qui pique? Qui c'est qui pique, Noisette? Noisette, je purge. hypothèse. Et tout le malheur dedans, c'est mon cœur. Ou bien là, c'est la seule ou l'inconnu, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme le cœur de l'étang qui reflète, qui étend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante, forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez fait mes putains et couvertes de satin. Vous m'avez fait statue, toujours je me suis tue. Comme j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais bien belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. C'est mon cœur, ou bien le leur. Celle qui attend sur le pas, celle des monuments morts. C'est la belle qui en meurt, péritume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai, vous serez fait depuis longtemps, libre et fort comme le temps. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Je vous prie, ne m'apprenez pas. Moi, je vous sais par le cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux m'arracher le vent. J'étais la bûcher, le feu, l'incendie aussi, je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le seul sous vos pas, mais je ne le savais pas. Mais un jour, la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Les seuls seront des coups, des richesses inconnues. La mer à son tour des vagues de violence inemployées. Nous voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés. Et c'est mon cœur, pardon, ou bien le leur. Celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. C'est la moche, c'est la belle, fille vitue, fille ciel. J'avais jamais la fumée. C'est ma mère ou la vôtre. Une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus en paix. Pardon. Depuis 8h30 du matin à Remiremont, donc ça commence. Je vous laisse. Ah là, voilà. Je vais aller prendre du miel. Voilà, merci Sylvie, merci. Alors, nous approchons de la fin quand même. Vous êtes stoïque sous le froid, enfin la fraîcheur. Néanmoins, bon, il y a encore trois séquences valeureuses que je vous conseille de voir. Tout d'abord, de voir, d'entendre. Tout d'abord, un brin de Christophe que vous avez vu à Saint-Maurice, mais dans une autre invention de sa part. Et puis ensuite, le groupe des Colosses au pied d'argile. Et enfin, là, avec Christophe Toussaint, le final de notre pièce, avec notamment le personnage allumé de la Javotte, Marie, que vous n'avez encore pas vu parce qu'elle ne joue que dans cette scène aujourd'hui. Donc je vous conseille, encore une sorcière comme les autres, je vous conseille ce final. Après vous pourrez partir quand même, hein, vous aurez le droit. Et en buvant un coup que nous offrirons. Voilà, donc Christophe. Le travailleur Steve Volk, le tourbe Michelin et le bon Knocker vous donne rendez-vous. Alors, ici, et bienvenue, vous aurez l'occasion de voir le spectacle dans les mines nuit et jour, mais ici, il fait particulièrement nuit. Hein, ça, on a remarqué, c'est pas très agréable. Alors, je vais vous éclairer un petit peu. Vous me dites s'il y a la lumière, là. D'accord, vous êtes les bienvenus, au moins, on peut compter sur vous. Alors voilà, nous avons la lumière. Eh bien, nous avons au début, une évolution avec, nous sommes des costauds, les pieds dans l'eau, mais nous avons aussi au début des mineurs. Alors les mineurs, il y a Heinrich. Vous connaissez Heinrich, le mineur ? Eh bien, il s'agit d'Heinrich Gross, le dessinateur qui a dessiné pour le travail des mines, qui a facilité le travail des mines. Alors, il travaillait à une époque, c'était bien difficile, vous l'imaginez. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ils avaient des grosses voix. Ils avaient des grosses voix parce qu'on les entendait pas bien à 100 mètres. Alors, ils avaient des grosses voix. Alors, c'est surtout pour traverser les pierres dans les galeries. Hein, ils avaient des grosses voix, on les entendait à travers les pierres. Et à l'intérieur, il y avait un knocker qui parlait un peu comme ça et qui avait toujours froid. Alors lui, il avait toujours froid. Alors il disait « Hiver en mai ». Et il disait aussi « Vous avez au début le travail des mines et ensuite le travail des mineurs ». Mais c'est pas la même chose puisque les mines, elles ne travaillent pas toutes seules, vous l'avez bien compris. Mais à l'intérieur, hiver en mai, ça nous donne dans l'idée la recherche de l'once, dans la vague, la pointerole, le son, et dans l'explosive, explosion. Waouh, des explosifs! Bah oui, de la poudre noire, du salpêtre, du soufre, et du charbon de bois. Ah bon, il souffre? Bah oui, il y a la rentabilité, il faut pousser, hein. Et qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ben, par exemple, comment ils sont habillés? Ah bah, comment ils sont habillés? Ben, ils sont habillés avec un cuir, une capuche, une ceinture et un marteau. Et il faut visiter absolument, hein. Une visite comme la vôtre, ça vous permet de garder un invisible qui reste, hein. Et ça vous permet aussi d'avoir le devenir à garder. Mais aussi visiter les mines, c'est vous permettre de vivre et d'avoir le souffle chaud de l'éclat bleu, d'avoir L'ombre qui reste et qui vous habite est d'avoir aussi une vie à deux, c'est le bonheur avec un guide. Alors, c'est bien évidemment une bonne surprise où on donne, où on partage, où on jouit, où on rit, où on aime, où on se sent aimé. C'est la vie, la mine. Et qu'est-ce qui se passe encore? Eh ben oui, il y avait, pour les plaisirs de la cause, dans les galeries du savoir, vous verrez pas les anciens mineurs, hein. Non, vous les entendrez peut-être. Il y a des voix dans les mines, c'est très agréable. Et puis, pour le final, eh bien, j'ai le droit de faire court, alors je vais faire extra court. J'ai une blague du 16e siècle, ça vous dit? Ok. Alors la bague du 16e siècle est la suivante. Faut couvrir les cloches, hein. C'est pas facile. Hein. Alors la blague du 16e siècle est la suivante. J'attends 2 secondes quand même. Voilà. Si l'écriture est notre duc, nous sommes. Et des comptes qui gagnent. Voilà. À vous de visiter. Merci. Eh bien, c'était une improvisation totale sur l'idée de la mine que vous aurez l'occasion de vivre lors des festoiries, des journées du patrimoine et des journées d'Halloween. Voilà. Merci. Il sera dans la mine. Bah, c'est Christophe Philippe. Il sera dans la mine en puissant la mine de sa voix. Alors, voilà. Et maintenant, dernière séquence des colosses au pied d'argile. Bah oui, hein. Attrape-la. L'amour est un combat de tous les jours. Et ce n'est pas facile de le vivre tous les jours. Elle n'est ni voyageur, ni sédentaire, n'a ni drapeau, ni nom, ni aile, ni racine en terre. Elle n'est ni ange, ni démon. Mais cette femme est plus sulfureuse que toutes celles que tu as connues avant. Mais cette femme est dangereuse, car elle ne vit que pour le présent. Oh, elle n'est pas de celles qu'on garde, comme un animal domestique dans une maison. Et lorsque tu crois fermement qu'elle te regarde, ses yeux s'excriment et s'obstinent à fouiller l'horizon. Et tu penses qu'elle est à ton écoute lorsque tu parles, alors que ses oreilles soudent l'air du soir. Car telle l'albatros de Charles, elle ne se pose que pour un repos provisoire. Et quand ses mains sur ton corps s'attardent, tu prends ça pour des caresses, alors qu'en fait, tu ne fais que la retarder dans sa course aux promesses. Parce qu'elle attend le cri des hyènes, qui un beau jour l'emmèneront, l'emporteront. Et n'essaye pas de la retenir, ce n'est pas la peine, elle ne connaît ni loi, ni morale, ni raison. Je vais vous présenter ma toute dernière création que je n'ai jamais lue en public. Le soir était jaune et sale. Au crépuscule dévasté d'entre nous, menacé de violents ravages. J'avais l'orage et l'éclair dans mes tempes folles de rage et de grêle. Les images de nous sanglotaient sous le coup de l'ineffable. Toute la terre ravinait notre amour en cascade de boue. Debout, je m'effondrais sans un seul mouvement de l'âme. Va-t'en. Et v'lant. Les vents de sable brûlent mes yeux débordés de drames. Je sais que toi aussi tu pleures et que tu sombres. Pourquoi tant de malheurs nous accablent? Mais ton cœur l'attend comme une bombe. Va-t'en. Ta part d'ombre écarte ses bras sur moi. Elle me poursuit comme un pieu jusqu'à la tombe. Et pourtant, lumière invincible, si, aussi, perce toute ténèbre, j'en appelle à Dieu qui me sauve de si mortelle emprise. Et ton cœur l'attend comme une bombe. Va-t'en. Et longtemps tu t'es tenu dans l'ombre de ma forteresse. Au pied de ma chair traumatisée, tu m'as veillé de patience, d'allégresse et de ta science innée pour le ventre des femmes. Tu n'as rien osé qu'attendre en cadence la fin de l'abstinence, la fin de la nuit, la fin de l'oubli. Fin de toi, mon amour, j'ai faim. C'était un jour extatique à midi sonnant, le plaisir, le plaisir, le plaisir. Dois-je aujourd'hui te dire merci? Va-t'en. Tu prends si fort mon âme et mon corps jusqu'aux larmes aurores et tu t'en vas délicat comme un fossoyeur d'espérance avant l'angelus envolé de gaieté qui signe ma détestable liberté. Tu pars la gueule en arrache-cœur avec ton air désolé en sonnette d'alarme, le regard flou, déboussolé, la pensée rivée à ton agenda de personnage lambda, très occupé. Nous étions pourtant si bien lassés, la boucle bouclée dans nos nuits blanches jusqu'aux premières lueurs des premiers jours, des premiers baisers, des réveils, renaissance, si bien l'un contre l'autre et nos mains tenues ensemble s'aimaient, gisants éternels et nos doigts jouaient d'innocence, la partition des jeunes fiancés. Va-t'en, au lieu de faire de moi ta femme, tu me renvoies malgré moi courtisane. Tu ne m'épouses qu'impur en mes lieux les plus obscurs et jetés comme des miettes. Je mange les quelques notes qui restent de ton odieux chant tiré des limbes où quelqu'un te retient. Va-t'en. J'espère que tu l'aimeras bien mieux que moi. Dans tes draps infidèles, j'espère qu'il n'aura pas la vie brisée, celle qui marche sur les fleurs du sacre sans y penser, celle qui m'arrache à toi sans même s'en douter. J'espère que tu sauras te pardonner pour en revenir vivant de ce paysage que je t'ai offert sans que tu n'y trouves aucun passage. Va-t'en. Jusque dans mon lit, ta propriétaire et ses devises, toute ta ruine, mon ami. Nous étions vraiment pourtant bien ensemble depuis fort longtemps. Qu'as-tu fait? Va-t'en. Elles souffleront des poèmes brûlants à ton front dégaré. Elles noueront des théorèmes polysexuels à ton ventre avide, affamé. La fatale femme aux allées et venues tropicales, ces entités multiples, intermittentes du spectacle de ta vie, troublent et brisent mon cœur nu en panique d'un billet d'avion voleur, de messages à minuit menteurs. 100 000 étoiles ne rallumeront pas ma flamme, 100 000 balles et des fleurs ne diront pas pardon. Nous revenions de si loin, mon amour premier, 35 années passées, sans nouvelles aucune de toi, de moi, comme un creuset cruel de ressurgir pour me tuer encore une fois. Nous étions si bien pourtant, dans les heures légères, sans pareil et sans peur de nous plaire. Corps et âme, tu m'as comprise. Et puis, tu m'as perdue. Va-t'en, je suis déjà fondue pour un autre amant, moins méchant. Et deux ou trois amours battent mon tambour. Va-t'en. Je suis là. Les grands ancêtres. C'est le rigolo, la mère Dondon. La mère Dondon? C'est elle qui l'a inventé. Bah ouais, donc c'est bien quand elle était jeune comme sa mère. On n'est rien, grand-mère. Toutes les mères Dondon qu'on disait qu'elle aimait bien les dindons et les moutons aussi. Oui, mais... oui, mais c'était sur un air du roi de Flonflon qu'il avait inventé. Ils en ont dansé les fantômes du corps sur ces airs-là. La danse macabre. Macabre? C'est la danse du pas de peu, il faut toujours exagérer. La danse, ça m'a vraiment raconté le monde en temps. Autant. Tant d'avant qu'il traverse le temps sur les cheveux. Sur ses cheveux ardents. Sur ses cheveux ardents. Danse du don. Tantant. T'adore. Et donc d'elle qui soulève les jupes comme un ouragan. Et j'avote la bigote avec son épaule sur une même. Et non, c'était la rigolette. C'est quand même bien les étiquettes aussi. Paraît-il. Bigote. Pratiquez ça aussi, hein. Pratiquez ça en plus. Pratiquez ça aussi, hein. C'est-à-dire que je m'arrêtais bien de cette aide. Pas si bigote que ça, l'eau. Ah, ça va. Le clou et le marteau, voilà ce qu'elle aimait. Elle avait l'âme de la montagne. Dans ses jambes, elle dansait la montagne. Elle avait les yeux rouges, maladie des lapins. Elle passait les murs du temps, les remparts du secret. Elle tricotait Pâques avec le Vendredi Saint. Et les œufs. Sorcellerie chrétienne, avec ses bons dieux faits et si chapelet de je vous soit-il. Elle disait la puissance de la montagne en dansant, et en tapant du pied. Elle disait la puissance de la terre. Les démons. Ces merveilles. Vois, de là, de quand elle était vivante. La danse des affres et des affreux. Qu'est-ce qu'elle danse? Elle danse. Elle danse des rocs et des rochers. C'est drôle, ça roule. C'est de l'amour aussi. Et la sens de la mort aussi. C'est des arrachements. C'est des hanchements. Arrachements à la vie, arrachements au destin. Elle expire les démons de son ventre. Elle extirpe le mal de vivre. Allez, tombe, tombe, tombe, allez, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, tombe, Psalmosie des étoiles. C'est le chant du cosmos. C'est le roc qui crie dans les rocs et s'écrie. Tambour vivabre, se rivant, orgue des mondes dérivant dans la passée d'infinitude. C'est le blanc des fontaines. Là! Qui monte crescendo? Bondi! Tu le vois, ça? Tu le vois en dansant, tourbillon, tourne, ris sans cesse, vire, ris, glisse, glisse. Et Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Autant de femmes. Autant de flammes, autant d'amour. La prophétie des âmes sur le vent d'abord, là dans les flammes, autant de flammes et autant de femmes. Balbutiement des siècles. Et la danse des lits, la chaîne des nuages et des étoiles aussi, que le monde répercuté à jointe. Et la danse a vibré les entrailles du rat, que la terre a émue, j'en ai spondillé, comme un feu central. Qui retourne aux minéraux. Qui retourne aux minéraux. Et la nuit des temps, elle descend comme un rebond prédestiné dans la nuit. Vieille à danser jusqu'à épuisement. Elle en est morte, paraît-il. Et quelques temps plus tard, ou presque là en même temps, est né un enfant aux yeux clairs et à la peau douce, dans un foyer des mines. On l'appela Éveil. Drôle de nom pour un enfant. Plus que ça. Pas chrétien. Plus que ça, donc. Plus que ça. Plus que ça, donc. Plus que ça. c'est joli, c'est beau. Encore. Je vais vous rire que vous rirez. Je vais vous rire que vous rirez. Thank you. on se redira. Ça a été une... On a vraiment vécu la voie verte depuis ce matin, 8h30, jusqu'à 12h, quasiment. Ben, 12 heures de voie verte, presque. C'était une expérience chaleureuse et heureuse, grâce à vous toutes et tous, chanteuses, chanteurs, chanteurs, peintres. Tous les sorciers, toutes les sorcières et tous les enfants de la lune. Gratuit, laïque et pas obligatoire. Voilà. Alors, au revoir. Voilà. Merci. Bravo. Merci à vous d'être restés. Mais bon.